Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et nous sommes le lundi 17 septembre. Nous souhaitons une bonne fête au Renault, ça vient du germanique, signifiant qui gouverne avec sagesse. Le moins que l'on puisse dire avec cette omniprésence du 9, c'est que Renault est un être d'exception ou d'excès, sa politique allant dans le sens des extrêmes et non des demi-mesures. Son itinéraire sera susceptible de le conduire vers certains sommets, vertigineux parfois, comme vers des abîmes aux profondeurs insondables. Tout le pousse vers les autres, vers le monde ou vers le public. Renault possède un fort ascendant sur autrui et peut laisser un nom ou une empreinte. Cela sera d'autant plus important qu'il s'impliquera d'une manière désintéressée. C'est un personnage hors norme qui ne suit pas les sentiers battus et ignore les frontières. Il est hanté par tailleur, que cet tailleur soit géographique, intellectuel ou spirituel. Il cherche à se dépasser, à aller au-delà de ses limites, de ses habitudes. Cela le rend souvent difficile à saisir et il court aussi le risque d'être pris pour un illuminé ou au moins un marginal. Le plus souvent, il peut devenir un homme public ou ayant un rapport avec le public, à moins que la vie ne le mette en contact avec les autres leçons du nombre 9, l'étranger lors de ses voyages ou déplacements, l'altruisme, les orientations humanitaires ou philanthropiques. Il est assez fréquent qu'il passe par différentes phases avant d'atteindre le détachement parfait. Il lui faudra se rassurer pleinement sur un plan matériel avant de se consacrer aux autres car il n'est pas à l'abri des remises en cause. Il a besoin d'avoir la foi en ce qu'il fait et il n'est pas impossible qu'il accède à une certaine notoriété ou autre forme de reconnaissance. Sa tendance au rêve, sa riche sensorialité, sa quête d'inaccessible peuvent, si elle se matérialise, ne se matérialise pas, le conduire vers les paradis artificiel. Dicton du jour, s'il pleut à la Saint-Renaud, l'automne s'annonce penaud. Et un dicton qui nous vient des Charentes et qui dit le 17 septembre pluvieux, 9 jours dangereux. Bonne nouvelle, pas de pluie à l'horizon aujourd'hui, on en parle tout à l'heure. Célébration internationale, aujourd'hui au Chili, c'est la journée nationale du huaso. C'est l'équivalent chilien du gaucho argentin ou du cow-boy américain. Et dans les événements qui se sont déroulés un 17 septembre, en 1630, c'était la fondation de Boston. 1787, vote de la Constitution des États-Unis rédigée par Thomas Jefferson. Et en 1807, la Cour des comptes était créée. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale. On va retourner quelques années en arrière avec un tube « Je danse le Mia » du groupe IAM, bien évidemment. Je fada, je crée des gueux, je vous prends tous ici un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid, ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini, pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait Cameo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Shalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. C'est le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bacar au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh comment tu parles à ma soeur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8C73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse montiette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi malais, Coco, la coupe à la mare, les Pascal et Terrasta, des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. En direct sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Bon. Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura les shots Malboro, les autocollants pionniers, les cassons JB, les peluches. À la technique, c'est Michel. De light jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'abusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire aïe aïe, aïe. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. I am, je danse le Mia sur RGM. Un peu plus de 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 17 septembre 1952. Naissance de Jérôme Bonaldi, journaliste français, animateur, chroniqueur télé et radio, spécialisé dans les sens, les sciences, les inventions et la publicité. 1960, naissance de Frédéric Pierrot, acteur français, vu dans Il y a longtemps que je t'aime, dans le rôle du capitaine Forêt, Police, dans le rôle de Balou, le commandant, Jeune et jolie, ou encore Chocolat, dans le rôle de Delvaux. 1962, naissance de Baz Luhrmann, cinéaste australien, à qui l'on doit Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Australia ou encore Gatsby le Magnifique. 1965, naissance de Kyle Chandler, acteur américain, vu dans King Kong dans le rôle de Bruce Baxter, Argo de Ben Affleck dans le rôle d'Hamilton Jordan, Le Loup de Wall Street dans le rôle de Patrick Dunham ou encore la série Grey's Anatomy dans deux épisodes de la saison 2 dans le rôle de Dylan Young. C'est également l'année de naissance de Bryan Singer, réalisateur, producteur, scénariste américain, réalisateur et producteur du Usual Suspects, Valkyrie, d'X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse, réalisateur et scénariste d'Ennemi Public et de X-Men, réalisateur, producteur, scénariste d'X-Men 2, Superman Returns et producteur, scénariste d'X-Men Le Commencement, et il sera le producteur d'X-Men Dark Phoenix, sortie prévue l'année prochaine. 1966, naissance de Stéphane Rousseau, humoriste acteur canadien, vu dans Astérix aux Jeux Olympiques dans le rôle d'Ala Folix, Fatal ou encore Paris à tout prix. 1968, naissance d'Akhenaton, chanteur français du groupe IAM. C'est également l'année de naissance d'Anastasia, chanteuse américaine. 1971, naissance d'Adriana Karembeu, mannequin, actrice, animatrice télé slovaque, vu dans le film Prêt-à-porter, Astérix aux Jeux Olympiques dans le rôle de Madame AG Canonix, à la télévision dans Scène de ménage, Nos chers voisins, section de recherche. Elle anime depuis 2012 aux côtés de Michel Simès l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. 1979, naissance de Chuck Combo, musicien québécois du groupe Simple Plan. 1982, naissance de Virino, humoriste et comédien français découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire et vu également dans Bref. 1985, naissance connaissance de Tomáš Berdych, joueur de tennis tchèque professionnel depuis 2002. Meilleur classement ATP, la quatrième place atteinte en 2015. Il a été une fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open. Il a remporté deux Coupes Davis, c'était en 2012 et 2013, et une Hopman Cup en 2012. C'est également l'année de naissance d'Alexandre Ovechkin, joueur de hockey sur glace russe, qui évolue en NHL depuis 2005 avec les Capitals de Washington, équipe d'ailleurs avec laquelle il a remporté la Coupe Stanley en 2018. 1996, naissance d'Esteban Ocon, pilote automobile français, vainqueur du championnat d'Europe de Formule 3 en 2014, puis du championnat de GP3 série 2015. Il évolue en Formule 1 depuis 2016. Il a participé à 43 courses. Enfin, ça fait peut-être d'ailleurs 44 avec la course d'hier. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Anastasia et l'un de ses tubes, I am out of love. Pas facile à dire. Yeah. La chanteuse Anastasia sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h45 et on parle maintenant météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera une très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 25 et 27 degrés prévus pour cet après-midi. Et oui, vous m'avez bien entendu, l'été n'est pas encore parti. Pour mardi, du soleil, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés l'après-midi. Mercredi, journée ensoleillée également, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et en ce lundi matin, il y en a pour tous les goûts. On va parler football, basket, volley, cyclisme, Formule 1, tennis, biathlon, aviron. Mais on va commencer tout de suite avec de l'athlétisme. Ce week-end avait lieu le Décastar en Gironde. Kevin Mayer, d'ailleurs, après sa déconvenue au championnat d'Europe à Berlin, hésitait à y participer. Tout compte fait, il a décidé d'y aller et il a extrêmement bien fait puisque Kevin Mayer a battu le record du monde du décathlon, absolument incroyable, avec 9126 points. Il a battu le record détenu auparavant par Ashton Keaton. Donc voilà, c'est absolument incroyable, hein. Ses performances, c'est 10 secondes 55 sur le 100 mètres, 7 m 80 en longueur, 16 mètres au poids, 2 m 05 à la hauteur, 48 secondes 42 aux 400 mètres, 13 secondes 75 aux 110 mètres et 50,54 mètres au disque, 5 mètres 45 à la perche, 71 mètres 90 au javelot et enfin 4 minutes 36 aux 1500 mètres. D'ailleurs, il a battu 4 records personnels hein, lors de ce Décastar. Absolument donc incroyable hein, de Kevin Mayer. Grand bravo. On va parler maintenant de l'aviron avec Boucher et Andre Diaz qui ont été sacrés ce week-end champion du monde en deux de couple. Un mot de football maintenant avec tous les résultats de la Ligue 1. Nice s'est imposé 2 buts à 1 face à Rennes. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 0 face à Saint-Etienne. Caen et Lyon ont fait match nul 2 partout. Lille s'est imposé 3 à 2 sur la pelouse d'Amiens. Dijon s'est incliné 1 but à 3 face à Angers. Montpellier a fait match nul un partout face à Strasbourg, tout comme Toulouse et Monaco. Nantes et Reims ont fait match nul 0 partout. Bordeaux et Nîmes, match nul 3 partout. Et Marseille s'est imposé hier soir 4 buts à 0 face à Guingamp. En Ligue 2, nouvelle défaite pour Nancy, 1 but à 0 face à Le Havre. Ce soir, Metz se déplace à Béziers. En National 2, Épinal a décroché le match nul à Arras, 1 but partout. Et en troisième tour de la Coupe de France, en l'étape s'est imposé 4 buts à 0 à Fléville. Et en football international, la mauvaise nouvelle pour Corentin Tolisso qui s'est blessé hein, lors du match avec le Bayern Munich. Rupture des ligaments croisés. Il va être absent un long moment. Bon rétablissement à lui. On continue avec du basket. Tout d'abord du côté de chez nous en National 1, le Jet Vosges s'est imposé en match de préparation 75 à 73 face à Kaisersberg. Et en National 3, Mirecourt commence bien sa saison puisqu'ils se sont imposés à Lemay 66 à 70. En qualification pour le mondial, l'équipe de France masculine s'est imposée face à la Finlande 83 à 67. Et côté féminin, samedi, la France a battu le Sénégal 67 à 54. Et hier, les Françaises ont battu les Canadiennes 72 à 68. Un mot de volley avec les championnats du monde. Et vendredi, la victoire de la France 3-7 à 0 face à l'Égypte. Et hier, la défaite de la France 3-2 face au aux Pays-Bas. Les Français sont tout de même qualifiés pour le deuxième tour. Un mot de cyclisme avec la Vuelta et vendredi, l'étape qui a été remportée par Thibaut Pinot et la Vuelta a été remportée par Yates. Thibaut Pinot termine sixième de cette Vuelta. Et un mot avec le cyclocross EKZ Trophy où Steve Chenel a terminé huitième. Un mot de Formule 1 maintenant avec le Grand Prix de Singapour remporté par Hamilton devant Verstappen et Vettel. 13e Pierre Gasly, 15e Romain Grosjean et Esteban Ocon, lui, a malheureusement été out. Un mot de tennis avec tout d'abord le tournoi de Québec remporté par Pauline Parmentier en finale en 2-7 face à Pegula. Et en demi-finale de la Coupe Davis, la France s'est imposée face à l'Espagne. Tout d'abord grâce à Benoît Paire qui s'est imposé en 3-7, suivi ensuite de la victoire de Lucas Pouille en 5-7 et le double de Nicolas Mahut et Julien Beneteau s'est imposé en 3-7. Julien Beneteau qui a d'ailleurs offert la victoire à l'équipe de France puisque c'est lui qui a marqué le point victorieux. Julien Beneteau qui était en retraite avant d'être appelé par Yannick Noah. Julien Beneteau qui va d'ailleurs mettre sa retraite de côté pour l'instant. Il va participer, comme il l'a déclaré en conférence de presse et plusieurs fois dans des interviews, à différents tournois, que ce soit en simple ou en double, pour maintenir un état de forme au cas où Yannick Noah fasse appel à lui pour la finale qui aura lieu au mois de novembre. Et les matchs d'hier ont été joués pour le public par Richard Gasquet et Nicolas Mahut qui se sont tous deux inclinés. Donc dans cette demi-finale, ça nous fait 3-2 pour la France. Mais voilà, le principal, c'est la victoire. Et la finale de la Coupe Davis, la dernière finale dans le système de Coupe Davis qu'on connaît et qu'on aime, eh bien aura lieu en France puisque la France affrontera la Croatie qui s'est imposée 3-2 face aux États-Unis. Ils sont allés jusqu'au bout, les Croates, face aux Américains dans le cinquième set du cinquième match. Donc voilà, très bonne nouvelle pour les supporters français. La finale aura lieu en France. On ne sait encore pas où, mais peut-être, pourquoi pas, comme l'année dernière, encore à Lille, ce qui porte chance d'ailleurs aux Français. Cette semaine, il y a le tournoi de Metz avec aujourd'hui deux duels franco-français. Janvier affronte l'Estienne et Barère affronte Deschepère. À Tokyo, élimination en tout début de journée de Mladenovic face à Kontaveit 6-3, 7-6. Et à Guangzhou, aujourd'hui, Ferreau affrontera Wang et Cornet se reposer à Brady. Et on va terminer cette actualité avec du biathlon et les championnats de France. Le sprint féminin a été remporté par Enora Latuyère devant Anaïs Chevalier. Anaïs Bescon, elle, a terminé cinquième. Le sprint messieurs a été remporté par un certain Martin Fourcade devant le Vosgien Fabien Claude et troisième Simon Détieux, quatrième Quentin Fillon-Maillet. Simon Fourcade, lui, termine septième et en U21, sacre d'Emilien Claude. Et la poursuite féminine a été remportée par Anaïs Bescon devant Lou Jean Monod et Enora Latuyère. Et côté féminin, eh bien, nouvelle victoire de Martin Fourcade devant Simon Détieux, Aristide Beg, Antonin Guigona, 5e Fabien Claude et Simon Fourcade a terminé 7e, comme sur le sprint. Et voilà, pour l'actualité sportive, il y avait beaucoup de choses à dire en ce lundi matin, avec d'ailleurs des très belles performances de nos Français et Françaises. On va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec le groupe Simple Plan et leur titre Welcome to My Life. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing. Push.